chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini. On vous offre le F-150 neuf à 0% jusqu'à 72 mois sur les modèles sélectionnés. De plus, obtenez plus de 5 000 $ en valeur totale, incluant 2 500 $ en allocation et livraison. Les membres Costco admissibles reçoivent aussi un rabais de 1 000 $. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. Là où l'expérience est inégalée, toute notre équipe vous invite à visiter notre page Facebook pour les différentes promotions. Jean Dumas Multiconcessionnaire. On va parler des castors de Dolbeau avec notre ami Robin Bouliane. Salut Robin. Salut Danny. Robin, les castors, c'était une défaite d'abord contre le Marcos Pop de Saint-Félicien, défaite de 6 à 4. Oui, une défaite de 6 à 4. Je te dirais que ça n'a pas été un bon match pour nous. Sans rien enlever, quand même, les Marcos Pop ont très bien travaillé défensivement puis offensivement aussi. Par contre, nous autres, on a mal sorti, on a mal décollé la partie. Puis ça fait quelques matchs aussi que ça nous arrive. Donc, c'est une chose qu'on va devoir corriger. Puis on n'a jamais été capable de revenir dans la partie là, par la suite. Là. OK. Donc, en termes de hockey, il faut pas jouer. Il faut jouer vraiment toutes les minutes. En termes de Ligue nationale, il faut jouer 60 minutes. Hein? Écoute, c'est ça que je dis aux gars. Si on veut gagner un match dans la Ligue, on peut pas espérer gagner si la moitié de l'équipe qui se présente, puis la moitié du temps aussi. Donc, c'est 60 minutes, 17 gars qui doivent travailler. OK. Donc, dans ce match-là, Zachary Fortin, c'est le garçon à luxe, hein? C'est ça? Oui, oui. Deux buts. Ensuite de ça, on a un but pour Zachary Baudette-Grimard. Deux passes chacun pour Olivier Dubé. Et également Nicolas Genet. Et ça, c'est le garçon... je pensais que c'était le garçon à David Lamontagne, mais c'est pas lui. Maintenant, on va y aller dans l'autre match. Ça a été une défaite contre les ambassadeurs Pugamo. C'est dans un match aussi qui n'est pas marqué beaucoup de buts. Non, un match plutôt où ce que les gardiens de but ont fait le travail, autant du côté de Pugamo que de notre côté avec Alexandre Lalancette. On a par contre beaucoup mieux joué. Là. La pression en attaque était meilleure. La relance aussi entre la défensive et l'attaque était meilleure. Mais malheureusement, ça s'est soldé par une défaite en fusillade. Mais okay. Quand même, l'effort était là, plus soutenu puis plus longtemps aussi. OK. Donc, évidemment, les ambassadeurs, est-ce que c'est une équipe qui joue serré cette année? Parce qu'ils ont joué le même match contre Saint-Félicien aussi. C'était un match serré aussi, là. Ils ont un excellent gardien de but, une bonne défensive aussi. Donc, c'est une équipe qui est bien balancée à tous les niveaux aussi, je te dirais, Danny. Là. Ouais. Donc, tu ne te présentes pas contre une équipe comme Chibougamo, tu vas avoir de la misère. OK. Donc, dans cette rencontre-là, pour les Castors, on a du côté des Castors, le seul but a été marqué par Philippe Ouellet. En fin de semaine pour ta troupe, Robin? On a un match seulement qui est dimanche contre les Marquis de Jonquière. OK. Marquis qui vont être très, très bons cette année en vertu du fait qu'il n'y a seulement qu'une équipe à Jonquière. Donc il va falloir travailler encore une fois pendant trois périodes si on veut espérer gagner. Ben c'est sûr, c'est la clé. Hein? Donc, Robin, est-ce que c'est choisi les tournois finalement? Parce que là, en fait, toujours un avec les fêtes, donc normalement. Est-ce que c'est choisi? Oui, oui, c'est choisi. On en fait un avant les fêtes à Saint-Anselme. Ah, toujours la belle place. Oui, le même qu'on a fait. Oui, le même qu'on a fait l'an passé. Puis ensuite de ça, on a le tournoi Midget d'Alma. OK. Puis lui, on l'avait manqué l'an passé. On pensait qu'on était inscrit automatiquement, mais finalement, on ne l'était pas. Donc cette année, on n'a pas manqué le bateau. Puis le dernier, ça va être à Dolbeau ici au mois de février. OK. Donc, Robin, on s'en reparle jeudi prochain? Absolument. Donc, Robin Bouliane, l'instructeur-chef des Castors de Dolbeau.